Chapitre 28 de Le crime d'Orcival par Émile Gaboriau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 28. Le lendemain même de la mort de Trémorel, Laripaille et Guespin étaient remis en liberté et recevaient, l'un 4000 francs pour s'acheter un bateau et des filets à mailles réglementaires, l'autre 10 000 francs, avec promesse de pareille somme au bout d'un an, s'il allait s'établir dans son pays. 15 jours plus tard, à la grande surprise des badauds d'Orcival, qui n'ont jamais su le fin mot de l'histoire, le père Plantat épousait Mademoiselle Laurence Courtois. Et le soir même, les nouveaux époux partaient pour l'Italie, en annonçant qu'ils y resteraient au moins un an. Quant au père Courtois, il vient de mettre en vente son beau domaine d'Orcival. Il se propose de s'établir dans le Midi et est en quête d'une commune ayant besoin d'un bon maire. Comme tout le monde, Monsieur Lecoq aurait oublié cette affaire du Valfeuillu, restée fort obscure dans le public, n'était que l'autre matin, un notaire est venu, de sa personne, lui apporter une lettre bien gracieuse de Laurence et un gros cahier de papier timbré. Ces paperasses n'étaient autres que les titres de propriété de la jolie habitation du père Plantat à Orcival. Telle qu'elle se poursuit et comporte avec meubles meublants, écurie, remise, jardin, dépendances diverses et quelques arpents de pré aux environs. « Oh, prodige !» s'écria Monsieur Lecoq. « Je n'ai pas obligé des ingrats. Pour la rareté du fait, je consens à devenir propriétaire. » Fin du chapitre 28. Fin de Le crime d'Orcival par Émile Gaboriau.